Vous écoutez toujours Futur Simple et toujours sur les ondes de CKRL au 89.1. Et on a commencé l'émission avec Jean-Daniel Doucet, notre chroniqueur 100% chimique. Et nous la finissons avec le génie chimique, qui sera peut-être le sujet de plusieurs chroniques à venir dans les émissions à venir. Et donc, pour nous en parler, en fait, nous avons un nouveau chroniqueur à l'émission. Il s'agit de Bruno Gaillet. Il est professeur de génie chimique au département de génie chimique à l'Université Laval. Bonjour Bruno. Bonjour Valérie. Et peut-être que la première chose à faire, c'est de préciser un petit peu ce qui se cache derrière le génie chimique et en quoi c'est différent de la chimie. Bah, juste pour commencer, déjà faire une petite distinction, parce que on connaît très bien ce que c'est que le génie civil. Par exemple, c'est la construction des ponts, on arrive très bien à le définir. Génie mécanique, on construit des voitures. Génie informatique et logiciel, bah, on fait des logiciels pour les ordinateurs. Mais le génie chimique, on a toujours du mal à distinguer qu'est-ce que c'est que cette affaire-là. Bah, en fait, si on fait la distinction par rapport à la chimie, bah, la chimie, en fait, c'est qu'on travaille à toute petite échelle. C'est-à-dire qu'on découvre des molécules, on travaille dans le laboratoire. Quand il faut mettre au point une réaction chimique, bah, tous les paramètres sont très très bien contrôlés, comme par exemple la température, la pression, tout ça c'est très facile à faire en laboratoire. Bah, très facile, hein, c'est une façon de parler, là, mais c'est pas très très compliqué non plus. Par contre, quand on veut passer, extrapoler en fait cette réaction à grande échelle pour produire la molécule à plus grande échelle, il y a tout un paquet de problèmes qui interviennent. Et le génie chimique, justement, c'est ça, c'est faire la conception et la fabrication de procédés de production de molécules à très grande échelle. Donc, il y a toute une problématique derrière ça, justement, pour essayer de résoudre ce problème d'extrapolation. Donc, si je comprends bien, en chimie, on est à l'échelle du laboratoire. Bon, peut-être pour donner une image peut-être un peu fausse, dans une fiole, dans un ballon, on fait la réaction à l'échelle du laboratoire. Et là, on veut avoir une application industrielle. Donc, on passe à l'échelle industrielle. Et donc, c'est le génie chimique, ça va être tous les processus à mettre en œuvre pour faire cette production à grande échelle dans l'industrie. C'est exactement ça. Par exemple, si on prend juste un petit exemple, le cas de la pénicilline. Ouais. Bon, bah, la pénicilline, quand Fleming l'a produite dans les années 20, bon, il avait fait ça dans des petits flacons à partir d'un champignon. Par contre, quand il a fallu passer, extrapoler, de passer de la petite échelle à la grande échelle, ça a été très très compliqué. Ça a nécessité énormément de temps, énormément d'argent, des investissements faits notamment par le gouvernement américain, parce que c'était lui qui a été le premier à financer en collaboration avec des entreprises comme Bristol-Myers, comme Merck, justement pour développer des procédés de fabrication. Mais c'était absolument pas au point, ça a pris énormément de temps. Ouais. Et la première usine qui était vraiment, on va dire, fonctionnelle pour produire de très grandes quantités de pénicilline, c'est seulement arrivé dans les années 80. Ah, c'est venu tard alors. C'est venu très tard. Ouais. Donc, faut dire, les rendements ont bien augmenté depuis, on a optimisé les procédés, mais ça reste quand même quelque chose d'assez complexe qui nécessite toute une méthodologie justement pour développer ces procédés-là. Donc là, ça c'est un exemple, l'industrie pharmaceutique justement, mais il doit y en avoir plein d'autres. Oui, c'est une multitude. Comme je dis, génie chimique, ça s'appelle aussi, surtout en Europe, le génie des procédés. Donc vous pouvez appliquer ça à différents types d'industries. Vous avez l'industrie minière par exemple, où vous pouvez développer des procédés pour extraire les minéraux. Il ne faut pas forcément avoir un bac en génie minier pour faire ça. Pour développer le procédé, vous pouvez venir de génie chimique. Vous pouvez également travailler dans le domaine environnemental. Par exemple, la capture du CO2 atmosphérique, développer des procédés à grande échelle. C'est ce qui se fait notamment au sein du département. De la recherche qui se passe au sein du département de génie chimique. Vous pouvez fabriquer des plastiques, des bioplastiques. Vous pouvez ensuite travailler dans le domaine pharmaceutique, biopharmaceutique, dans le domaine alimentaire aussi. Tout ce qui est, par exemple, on parle de la fabrication de yaourts, tout ça, c'est des procédés à grande échelle. Donc, il faut développer ces procédés-là. Vous avez aussi, qu'est-ce que vous avez d'autre ? Vous avez la biotechnologie aussi, toutes les industries de biotechnologie. Les plastiques, peut-être les matériaux. Plastiques, matériaux, piles solaires. Ouais, donc, finalement, un peu tout ce qui nous entoure dans la vie courante. Tout ce qui nous entoure, on est entouré de génie chimique, sans le savoir. C'est ça. Et donc, si vous prenez quelques exemples concrets, par exemple, des procédés, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, là, je comprends bien, bon, on a une expérience dans un laboratoire, on a de la pénicilline, puis après, on a des comprimés, ou je ne sais pas, des solutions de pénicilline, je ne sais pas. Donc, si on prenait un exemple concret. De procédés de production à grande échelle, par exemple. Des problématiques, des problèmes auxquels vous êtes confrontés. Okay, je prends un exemple très simple. Le problème, par exemple, je vais revenir à de l'alimentaire. Oui, problème, c'est par exemple, plus. C'est ça. Donc le problème, par exemple, le problème, la cuisson des raviolis, c'est quelque chose de très basique. Là. Ouais. Donc quand on est, par exemple, vous invitez 4 personnes à la maison, c'est pas compliqué. Ce que vous prenez vos raviolis, vous mettez ça dans une casserole d'eau bouillante, vous les faites cuire. Ensuite, bah, vous les essorez, vous les égouttez, vous mettez de la sauce, puis ça vous fait vos raviolis. Par contre, quand on veut passer ça à grande échelle, disons pour 400 personnes, comment vous allez faire ça? Est-ce que vous allez utiliser une cuve ou plusieurs cuves pour faire cuire vos raviolis? Quand vous allez introduire vos raviolis, disons le temps de ravioli, c'est à peu près 3 minutes de cuisson. Entre le moment où vous avez introduit le premier ravioli, entre le moment où vous avez introduit le dernier ravioli, combien de temps il s'est passé? C'est peut-être passé 5 minutes. Ah oui, les premiers sont cuits. Les premiers sont déjà cuits. Ouais. Comment vous allez faire ensuite pour récupérer vos raviolis? Parce ouais. qu'avec une passoire, ça va très bien à la maison. Mais à grande échelle, quand vous travaillez avec des cuves qui font plusieurs milliers de litres, comment vous allez faire sans les briser, vos raviolis? Ensuite, ajouter la sauce. Comment vous allez mélanger sans non plus les briser? Tout ça, c'est des problématiques que le génie chimique prend en compte, justement, quand il faut développer des procédés à grande échelle. On ne s'en rend pas compte quand on fait ça à petite échelle, mais quand on passe à grande échelle, en général, c'est un peu plus compliqué. Il y a tout un tas de questions. Donc, éventuellement, ça veut dire qu'il faut inventer des machines particulières aussi. Bon, c'est grande passoire, je ne sais pas. Il faut vider le jus qui est dans le fond de la marmite, je ne sais pas. La maison, c'est facile, mais là, dans des conditions pour 400 personnes. Je vous dirais, par exemple, si on prend un cas très simple, un autre exemple, par exemple, la production de bioéthanol cellulosique. Bon, avec la problématique qu'on a du pétrole actuellement, on essaie de trouver des carburants alternatifs, dont notamment le bioéthanol qui pourrait être produit à partir de cellulose. La cellulose, on en trouve dans les plantes. Donc, comment on produit ça? Par exemple, vous prenez de la cellulose, vous ajoutez une enzyme dessus. Une enzyme va dégrader votre cellulose en molécules de glucose. Ces molécules-là, ensuite, vous les mettez dans un réacteur qui va, en présence d'un micro-organisme, comme par exemple une bactérie ou une levure, et là, vous allez produire du bioéthanol. Une fois que votre bioéthanol est produit, vous devez le récupérer. Donc ça, c'est le récupérer et ensuite, le conditionner. Donc vous avez plusieurs étapes. Donc si on prend la première étape, juste l'hydrolyse enzymatique du cellulose, ça se fait dans un réacteur enzymatique. Ensuite, vous avez le transport de ce jus de cellulose, si on peut dire, de la cuve du réacteur enzymatique vers la cuve de fermentation. Donc là, vous avez une problématique de transport de ce jus. Quel type de pompe vous allez utiliser? Quel type de matériaux vous allez faire pour vos tuyaux? Ensuite, vous avez la réaction en tant que telle. Et à quel débit on veut faire circuler ça? À quel débit vous allez faire circuler ça? Ensuite, vous avez la réaction de fermentation en tant que telle, où là, le micro-organisme va utiliser le glucose pour produire de l'éthanol. Donc ça, c'est une autre étape du procédé. Quelle quantité on en met, ces bactéries, par rapport à la quantité de glucose c'est qui ça, arrive. Quel paramètre il faut étudier, quelle température, il y a aussi des problèmes de chaleur, aussi d'évacuation de chaleur. Parce que ça se génère de la chaleur, donc pour éviter que votre réacteur explose, il faut évacuer. Ensuite, vous avez le problème de comment on va récupérer l'éthanol. Oui, c'est ça. Par exemple, souvent c'est par distillation. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire avec votre alcool? Comment vous allez le conditionner? Donc, vous voyez, c'est différentes étapes. Donc, vous avez l'étape du réacteur enzymatique, étape du transport, étape de la fermentation, étape de la distillation. Toutes ces étapes-là, c'est ce qu'on appelle une opération unitaire. Donc, l'ingénieur chimiste s'intéresse justement à ces opérations unitaires-là. Ça, c'est juste un exemple d'opération, vous en avez plein d'autres. Par exemple, dans le domaine pharmaceutique, quand vous avez produit votre molécule à l'échelle industrielle, vous devez la purifier, vous devez la sécher. Pour faire votre poudre. Vous avez une opération unitaire qu'on appelle le séchage. Donc, quel type de séchoir vous allez utiliser? À quelle température, par exemple, quelle pression vous allez appliquer ça? Donc, vous voyez, c'est ça. Puis, il doit y avoir des contrôles de qualité au fur et à mesure pour s'assurer qu'on a bien la molécule pharmaceutique, qu'on a bien de l'éthanol de produit, qu'on n'a pas de contaminants, par exemple. Ça, c'est tout le travail aussi de l'ingénieur chimiste. C'est vraiment de contrôler le procédé. C'est vraiment, on va dire, une tâche à part entière de l'ingénieur chimiste, c'est vraiment faire du contrôle de procédé. Pour illustrer ça, de toute façon, dans les cours du programme de département, on a des cours de contrôle de procédé, justement, comment on fait pour contrôler notre procédé en cours de route, pour vérifier que tout est correct, que tout fonctionne bien. Puis finalement, donc ces procédés sont développés dans un but industriel, j'imagine qu'il y a une dimension économique qui entre en jeu. Est-ce que l'ingénieur chimiste doit en prendre compte pour ne pas développer un procédé qui serait trop coûteux par rapport aux produits qu'on en sort à la fin? Dites-vous qu'en général, l'ingénieur chimiste, il est employé par un client. Donc le client, il veut toujours avoir la meilleure molécule au meilleur prix. Donc c'est sûr que... Mais par contre, pas au détriment de la qualité, là, ou même de la sécurité qu'il pourrait y avoir au niveau de la population. Mais c'est vraiment un aspect très très important à prendre en compte. Il faut vraiment s'assurer lorsque vous faites un procédé, vous concevez un procédé, de vous assurer que vous rentrez dans le cahier des charges du projet. Ne pas dépasser les coûts. vous pouvez, si vous voulez dépasser les coûts, mais votre client sera peut-être pas d'accord à l'arrivée. Il va peut-être vous dire, non, tu vas diminuer ces coûts-là, mais peut-être au détriment de la qualité, mais en général, on s'arrange pour qu'il y ait quand même un bon compromis entre, pour pas négliger la qualité versus le coût. Là. Alors finalement, au fur et à mesure de vos chroniques, parce que vous allez revenir régulièrement à l'émission, donc est-ce qu'au fur et à mesure de vos chroniques, on va démystifier un petit peu de ces procédés, de quoi il va être question? En fait, en prochaine chronique, je vais par exemple vous parler de la production d'érythropoïétine, la fameuse EPO qu'on parle le PO, souvent. C'est ça, la fameuse protéine miracle qui a permis à Lance Armstrong de gagner 7 Tours de France. Donc, je vais vous présenter un peu la façon dont elle est produite. Ensuite, je vais également vous présenter, parce qu'il y a un aspect qu'on ne parle pas trop du génie chimique, comme on dit, on parle de développement de procédés. Mais quand on parle, par exemple, développement d'un bioprocédé, par exemple, production d'une biomolécule, au départ, ça vous prend le micro-organisme ou la bactérie qui va justement produire cette molécule-là. Donc, comment aussi on va construire cette molécule-là, cette bactérie-là. Donc, ça, c'est aussi un aspect que je vais aborder dans mes futures chroniques. C'est la façon dont on construit le micro-organisme pour justement produire une molécule d'intérêt, en fait. Ça va être des sujets passionnants qu'on va découvrir donc dans les semaines prochaines. Merci beaucoup, Bruno. Merci, Valérie.